Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Zaba'ih Ahl al-Kitab. Aïe, la viande des gens du livre à la lumière du Coran et de la Sunna. Et on va appuyer bi'idhnillah avec la parole des savants de la Ummah. Falas Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa tawfiq wa sadad. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, habidahullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله جل وعلا بكتابه الكريم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الآية فنعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن تلك النعم النافعة نعمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه تسمى بهيمة الأنعام فهذه نعمة عظيمة قال عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم لفي الأنعام لعبرة من عبرة الذي يتأمل في هذه البهائم فيأن عبرة أي أغبل قال عز وجل نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه أي اللبن قال عز وجل من بين فرث ودم فسن عبرة فسن مثال فقط الذي يتأمل فيأغبل تغلي نسقيكم مما في بطونها قال عز وجل من بين فرث ودم أي سلبا إساغ صافي أبيض خالص alors qu'il vient du ventre de la bête. T'as l'amour, le ventre de la bête, il y a du sang, il y a des boyaux, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a le laben, il sort safi, khalis. Ça, c'est une aya min ayatillahi azza wa jal. Qala, nusqikum mimma fi butonihi min bayni fartin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi. Laban khalis. Il sort min hadhihi al-bahima. Il sort abyad. Khalis sa'ir al-shar. Tu peux le boire directement. Hadi c'est ayat min ayat Allah azza wa jalla fi hadhihi al-bahaim. Fa kam nahnu nastafid min hadhihi al-ni'mah. Fa na'kul min luhumha wa nashrub min albaniha. كذلك نستفيد من جلودها. Tout ça c'est نعمة يجب على المسلم أن يشكرها. Tu bois, tu manges, tu profites de كذلك la peau de ces bêtes. À l'époque, ils s'en servaient beaucoup comme monture. Moins aujourd'hui. C'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jalla. Bahimatul an'am. ومن شكر هذه النعمة نحن الآن on sait et on savait ولله الحمد أن سبات سوى النعمة فست نعمة تقابل بالشكر faut être reconnaissant envers cette نعمة reconnaissant envers Allah عز وجل pour cette نعمة qui nous a donné سبحانه ومن الشكر أن نتعلم الأحكام المتعلقة بهذه البهائم. فسو من الشكر. C'est qu'on apprenne les règles qui sont liées, qui ont un rapport avec ces bêtes. من ذبح ونعم كالأضحية والهدي بالحج والعقيقة. Tout ça, le muslim, il doit savoir le moment, il doit savoir la façon de faire pour égorger, pour sacrifier. Tout ça, c'est min shukr hadhihi an-ni'ma. أما نحن هذه الكلمة سنتحدث وندرس إن شاء الله تعالى مسألة مهمة متعلقة بهذا وهي ذبائح أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة وأقوال أئمة الهدى نحن نتدي هذه المسألة أي ذبائح أهل الكتاب Aïe, la viande des gens du livre à la lumière du Coran et de la Sunna. Et on va appuyer bi'idn Allah avec la parole des savants de la Ummah. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa tawfiq wa sadad. Awalan i'lam wafakak Allah anna luhuma ahle al-kitab tanqasim ila thalatati aqsam. Tu dois savoir que la viande des gens du livre, on va voir qu'il y a trois catégories. C'est pas tout au même niveau, tout halal, tout haram. Là, il y a trois catégories. L'iman ta'ammal. Wa qabla dhalik, on doit savoir c'est qui ahl al-kitab. Qala al-shaykh al-allama al-imam Abd al-Aziz ibn Baz alayhi rahmatullah. Il va définir ce qui est Ahl al-Kitab. Léanna nahnu la mas'ala al-an qu'on va étudier, c'est la viande de Ahl al-Kitab. On ne va pas parler des autres. Al-Muslim, on ne va pas parler du kafir autre que Ahl al-Kitab. On ne va pas parler du munafiq. Là, on va parler de ha'oula khassa, Ahl al-Kitab. Léanna ta'alamouna anna fi hadhihi al-mas'ala hasala fiha al-khawd, wal-takhabbut, wal-jahl, min ba'd al-nas. لأنهم ils ont pas pris la mas'ala avec aqwal ahl al-ilm. Imma ils ont pris une partie des aqwal faqat, ils ont délaissé le reste. Ou ils ont parlé avec le hawa ou avec des doutes. هذه المسألة حصل فيها ما حصل. فلا بد طالب العلم خاصة يكون مثل هذه المسائل. لأن demain tu peux être confronté à ce sujet, que tu sois dans un pays de ahl al-kitab ou autre. Maintenant, on va voir que les viandes, ils les exportent l'un. Tu dois être à la ilm bihada. C'est une ni'ma. Tu dois savoir comment faire. Est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux pas? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que tu as des doutes? Bihada. Awalan, on doit savoir c'est qui Ahl al-Kitab. C'est qui Ahl al-Kitab? Hatta le hukm qu'on va voir et nous tabiquons à Ahl al-Kitab. Les gens ou les personnes, ils sont différents في هذه المسألة. تا المسلمون لغ ذبيحة لحلال بالإجماع tant qu'ils ont les conditions. تا الكفار ils divisent en deux أهل الكتاب et autre que أهل الكتاب. أهل الكتاب c'est comme le muslim في هذا, s'il a les conditions c'est حلال بالإجماع. Et t'as les autres كفار, les athées, les communistes, les rawafid, tout cela لغ ذبيحة لحرام. فلابد أولا أن تتش ديفيرونسي هذا. Tu sais le sujet, nous on va parler de Ahl al-Kitab. قال الشيخ ابن باز وهم أي أهل الكتاب. قال فأهل الكتاب مثل ما بينهم الله في كتابه هم اليهود والنصارى. C'est eux Ahlul Kitab. Al-Yahoud ou Al-Nasara, les juifs et les chrétiens. الشيخ عبد العزيز رحمه الله سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابين على بني إسرائيل فسموت خلنا موسى وعيسى إذن أتوا بويا بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى à chacun d'eux il envoyait un kitab. C'est pour ça qu'on les appelle Ahlul Kitab ou Ahlul Kitabi. قال الشيخ رحمه الله الأول على موسى وهو التوراة والثاني على عيسى وهو الإنجيل. نعم. Le premier livre de Torah, il a été révélé à Moussa, au peuple Ben Israël. Et le deuxième, il a été révélé à Isa, bien après, Al-Injil, toujours à Ben Israël. قال ولهذا يقال لهم أهل الكتاب. Un, tu sais, tu as cette mas'ala, ou cette tasmiya أهل الكتاب, ils ont un livre. Ils ont un livre. Al-Torah ou Al-Injil. أي أتبع موسى التوراة وأتبع عيسى الإنجيل ويقال أهل الكتابين ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين. نعم هؤلاء أهل الكتاب ils ont des أحكام dans certaines مسائل dans certains sujets ils sont différents des autres كفار alors que c'est des كفار. مثلا la مسألة كونة لحوم أهل الكتاب c'est pas comme لحوم les autres مشركين. كذلك الزواج بنسائهم c'est من هذا الباب. فإذا ont des أحكام تخصهم لماذا لأن ils ont un كتاب. Ils ont un كتاب. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر والشرك فهم كفار ومشركون. هذا سا تنبيه طيب أنهم ولو s'ils ont il y a des points où leur ahkam ça va être comme celle des musulmans, matalan se marier avec leur femme bien sûr avec des conditions et manger leur viande bien sûr avec des conditions, ça fait pas de des musulmans, c'est des kuffars, c'est des mouchrikoun. Hatta leurs livres que Cheikh Ibn Baz il a cité, ils les ont falsifiés, ils les ont harraf. Hada lakin Cheikh Ibn Baz il parle de asl, ils ont reçu un livre et la chaque que ce livre il a été falsifié, ça reste des kuffars lakin le hukm. لحومهم سيسكي نوز انتغس نحن الآن on va voir يعني on va détailler cette مسألة. أما la première مسألة on sait الآن سيكي أهل الكتاب اليهود والنصارى ils les ont appelés أهل الكتاب لأن ils ont reçu un livre ou deux livres موسى التوراة وعيسى الإنجيل. فالآن لحوم أهل الكتاب on a dit تنقسم إلى ثلاثة أقسام trois catégories. القسم الأول ما علم أنه ذكي على الطريقة الشرعية هذا حلال بالإجماع. ما علم أنه ذكي التذكية on va citer souvent ce mot c'est الذبح c'est la même chose على الطريقة الشرعية فهذا حلال بالإجماع ça c'est حلال بالإجماع. أي un kitabi, un juif, un chrétien, il sacrifie une bête à la tariqa shar'iyya. Il dit bismillah et il égorge la bête par le, dans l'endroit légiféré. Il lui tranche la gorge. Hada c'est halal bil ijma' si c'est un kitab. Wa ad-dalil ala hada qawlu Allah 'azza wa jalla wa at'amu alladhina utul kitaba hillun lakum. والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المفسرون إذا فسر الطعام هنا بالذبائح. والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أي la nourriture des gens du livre elle est halal pour vous. العلماء إذا expliqué la nourriture هنا بالذبائح. أما لا شك أن اليهود والنصارى يبوف du خمر. لا شك فيه. أي mange الخنزير du porc. Ça ne veut pas dire que c'est halal pour nous. Là, ce qui est halal pour nous, c'est leur dhaba'ih. Comme ils ont expliqué le Mufassirun, si elle a été sacrifiée à la tariqa al-shar'iyya, c'est halal bil-ijma'. Ou la tariqa al-shar'iyya, on a dit que ce kitabi yadkur ismallah azza wa jal qabla al-dabh wa yadbah fil mahal al-mashru'. Hada wadih. On ne va pas détailler certaines masailles. Amma al-mahal al-mashru', l'endroit, couper la gorge, trancher la gorge de cette bête, il y a des détails. Lakin, ça c'est des masaïl de fiqh, mais on ne détaillera pas tout. Mais on a cité ça, et on va voir que l'an, il y a des gens du livre, ils se prêtent à des gens du livre, et ils n'appliquent pas ce tariqa. Maintenant, ils tuent la bête par électrocution, avec l'électricité. La chèque que elle a pas, il lui a pas tranché la gorge, là, elle est morte avec l'électricité. Alors nous, on a cité ça pour faire sortir certaines masaïl qui viendront plus tard. Ça, c'est le premier plus. La viande de ces gens du livre, elle est halal bil ijma. Il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf. S'il a dit bismillah et il a égorgé comme un musulman et il a tranché la gorge de la bête, c'est halal. On a dit trancher la gorge de la bête, ah, oh, il y a des autres façons, bien sûr. Al-ibil al-nahr ma'ruf. Al-muhim, c'est tariqa shar'iyya. Ça, c'est halal bil ijma. On mange, c'est comme la viande d'un musulman. Al-qismu thani. ما علم أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية. C'est l'opposé du premier قسم. Et on sait que cette bête, elle a été tuée pas comme l'islam il nous a légiféré. Et imma il dit pas bismillah, imma il dit bismillah, lakin la bête elle n'est pas égorgée comme il se doit. Matalan, il dit bismillah, il la tue. Matalan, il la noie. أو إلا السم هذا سحر كذلك يدي با بسم الله لكن اللي غورج كذلك سحر لأن الطريقة الشرعية on a dit elle repose sur deux choses في الذبح التسمية والذبح في المحل المشروع فالقسم الثاني الآن ما علم أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية سا on va détailler قليل. Ça, on va détailler. On va voir un nas sahih, c'est que c'est haram. Lakin, il faut des détails. Léana, tu trouves, بعض أهل العلم, ils ont dit, هذا القسم il est halal. هذا, on va voir, c'est un khata واضح. Troisième قسم. On détaillera le deuxième. On cite les trois tombants, on détaille les deux derniers. القسم الثالث, le troisième قسم, avec la viande des gens du livre, ما جهل حاله فلا يعلم على أي صفة حصلت تذكيته. Troisième question. La nadri, kayfiyat al-dhabh. Et on ne sait pas la façon dont cette bête elle a été tuée. Est-ce qu'elle a été gorgée? Est-ce qu'elle a dit bismillah? Ma nadri. On sait que c'est un kitabi qui a tué cette bête, mais on ne sait pas la façon, la méthode. هذا الآن هو الذي حصل فيه الإشكال والنزاع. Ce troisième qism, c'est là où il y a beaucoup de khilaf. Et c'est celui-là qu'on va détailler kathiran dans ce kalima, inshallah. Qabla dhalik, on revient au qism al-thani. Ay, ma dhukiya, ou ma dhubiha, ala ghayri tariqati shari'i, al-islamiyya. Cette bête, l'an, elle a été tuée, pas comme l'islam, la législation islamique, elle nous a montré là. فهذا لا شك أن هذه الذبيحة لحرام لا شك في ذلك قال عز وجل في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة لا بيت مخ أي لا بيت كفا يتغرجي selon les rites de la charia selon les rites islamiques ça c'est une meita ça s'appelle مثلا elle a été tuée avec un coup sur la tête ou électrocutée ou noyée ou étouffée. Ça c'est une meita. Allah subhanahu wa ta'ala harrama dhalik, hurrimat alaykum al meita. Suivez, nous le deuxième qism, ce kitab, il a tué cette bête, il l'a pas égorgé, il l'a pas sacrifié comme un musulman. Il dit bismillah, il l'égorge. Là, matalan, il l'a étouffé. C'est haram. لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Deuxième دليل أن الله سبحانه وتعالى il a interdit qu'on mange une bête qui n'a pas été sacrifiée au nom d'Allah. Alors ces deux دليل ils vous résument la طريقة الشرعية. حرمت عليكم الميتة, elle n'a pas été sacrifiée. Ah, il n'a pas égorgé l'endroit qu'il faut. Deuxième dalil, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Il n'a pas dit bismillah. Une des deux, ou les deux. فَمَثَلًا, un kitabi, Et il étouffe la bête et il dit pas bismillah. On a deux délits que la bête elle est haram, on n'a pas le droit de la manger. On lui dit awalan tu l'as étouffé, c'est une bête morte, hurrimat alaykum al-mayta. Deuxièmement, tu n'as pas dit bismillah. Qala azza wa jalla wa la ta'kulu mimma lam yuthkar ismullahu alayh. Si c'est un des deux cas, on a un qui t'a dit, il a égorgé. Ah, il a tranché la gorge de la bête, maintenant. Là, qui ne dit pas bismillah. Ah, non, on ne pourra pas se tâter le premier. C'est pas une maïta, il a égorgé. Là, qui n'a pas dit bismillah. Allez, haram. Oh, maintenant, il l'étouffe et il dit bismillah. Enfin, on ne pourra pas dire ou alata kulumi malam yut karismul alayhi. Il y en a, il a dit bismillah. Là, qui on a l'autre dalil. On dit hurrimat alaykum ul maïta. Tu l'as étouffé sur une bête morte. Là, il y a juste là. هذا لا شك في تحريمه قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله عموم محفوظ هذا مهم هذا on l'a vu مع بعض الإخوان dans les دروس qu'on a fait في أصول الفقه. الآن cette مسألة أشكلت على بعض الناس. Elle est claire, la kilba de nas, ils ont eu un ishkal viada. Les anafil Quran, t'as deux umum. T'as deux preuves, elles sont mimbab l'umum, elles sont globales, générales. La première, on l'a cité. Qala azza wa jal, wa ta'amul ladhina utul kitab, hillul lakum. Hada, ou hadi, c'est une aya amma. Elle englobe tout. Wa ta'amul ladhina utul kitab, hillul lakum. Ça c'est un verset am, global, général, elle englobe ta'am ahlul kitab. Enfin, si tu prends que ce verset, ça englobe matalan qu'il est égorgé selon les rites islamiques, qu'il ait dit bismillah ou pas, c'est halal. Léna, le verset il est global. Les viandes des gens du livre, c'est halal. Premier umum. Deuxième umum, il l'a cité Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, innama harrama alaykum al-mayta wa al-dam wa al-lahm al-khanzir. قال وما أهل به لغير الله. Ça c'est كذلك un verset عام. أي toutes les bêtes mortes, le sang, le porc et tout ce qui est égorgé. ما أهل به لغير الله. أي إما il a dit il l'a égorgé pour autre qu'Allah ou il a pas dit le nom d'Allah, c'est haram. Que ça soit la viande des gens du livre ou autre. Un, t'as deux umum, t'as deux généralités. بعض العلماء et ils sont qalil, comme on va voir, ils ont dit ta'amul ladina utul kitab hillun lakum, qu'il ait dit bismillah ou pas, c'est halal. Des autres, ils ont dit là. Ils ont dit là. Léana, on a un autre umum. Il est à quoi? Il est à quoi? Ta'amul ladina utul kitab, la shak, que s'il a dit bismillah, et s'il l'a égorgé selon le rite islamique, comme c'est montré en deuxième verset. Cheikh al-Islam qal umum mahfoud lam tuqas minhu surah bi khilaf ta'amul ladina utul kitab. On a vu une règle, t'as de couronne, rubbama, anna si t'as deux généralités, deux versets, matalan, am, deux umum, matalan, comme notre situation là, al-an, t'es obligé de faire passer un avant l'autre. Matalan, on a une bête, nous, al-an, un kitabi, matalan, il nous emmène une bête, là. Il nous dit, je l'ai étouffé, je l'ai pas égorgé. On a deux dalils. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Aïe, cette bête elle est halal. Léana, c'est un kitab. On a un deuxième dalil. إنما حرم عليكم الميتة. La bête morte elle est interdite. Alors, on a un dalil qui nous dit elle est halal, un autre qui nous dit elle est haram. Léana, c'est une bête morte. Al ulama, et هذا الحال. Comme on a vu, كلام شيخ العثيمين في علم الأصول, الأصول من علم الأصول, شيخ الإسلام il l'a cité هنا. Tu dois regarder les deux umum, c'est lequel le plus fort. Aïe. C'est lequel des deux umoum qui est mahfoud. Il n'a pas été mahoussi sabichay. On avait donné cet exemple à Coran fi as-salat ala nabi alayhi salatu salam fi khutbat al-jumu'ah. C'est ce mas'ala qu'on a vu avec les deux umoum. Famatalan, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi khutbat al-jumu'ah, t'as deux umoum. Un umoum ou un hadith ta'am qui te montre, dès que tu entends le nom de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est âme. Ça englobe dans la khutba ou autre. Dès que tu entends son nom, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. T'as un autre hadith âme qui te montre qu'on a fait le khutba, l'abud min al-insat. Tu dois te taire. N'importe quel mot tu dois te taire. Alors, on a vu ces deux umoum. L'un, tu dois voir c'est lequel le plus fort. Hatta, tu le fais passer avant l'autre. On avait vu, le plus fort, c'est le fait, quand tu entends le nom de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. L'un, le fait de se taire dans le khutbah, ça a été spécifié par des choses. Tu as le droit de parler. Maintenant, si l'imam il se trompe, tu es en dessous du mimbar. Ou tu es proche du mimbar. L'imam, il oublie l'aïa. Dans ce cas, tu as le droit de lui souffler la ayah, de lui dire la ayah. Dans ce cas-là, tu t'es battu, tu as parlé. Lakin, hadal hal, il est khas. Amma, fi haqq Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas trop souci. Dès que tu entends son nom, tu dois salli alayhi. Ça montre que l'umum, fi salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est plus fort que l'insan. Enfin, on a fait passer le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, même pendant le khutbah. Lakin, la chaka à voix basse. La chaka à voix basse. Hatta, tu ne déranges pas ton frère. On revient à notre mas'ala al-an. On a deux umum. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقال عز وجل إنما حرم عليكم الميتة on a deux عموم لا شك أن un des deux il est plus fort un des deux il est plus fort أي dès qu'on dit plus fort أي il n'y a pas une chose qui le spécifie أما طعام الذين أوتوا الكتاب il y a beaucoup de choses qui spécifient cette آية مثلا est-ce que si مثلا من طعام أهل الكتاب il nous emmène de la viande de porc, est-ce qu'on le mange? Là, pourtant c'est son ta'am. Là, on a un dalil, al-khinzir c'est haram bil ijma'. Kadhalik, on a un dalil, si du pas bismillah, c'est haram. Fala shak anna al-aya, min surat al-baqara, innama harrama alaykum al-mayta, elle passe avant hadhi. Fahadhi, la deuxième, innama harrama alaykum al-mayta, elle khassas wa ta'amu alladhina autul kitab. Khulasa, أن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم bien sûr s'il n'y a pas un interdit. فالمعنى ça va donner quoi وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم bien sûr si c'est pas une meïta si c'est pas de la viande de porc s'il a dit bismillah tous ces choses. هذا قال on revient à كلام شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام فإنه يشترط له الذكاء المبيحة فلو ذكى الكتاب أي ذبح في غير محل المشروع لم تبح ذكاته شيخ الإسلام نتيمية يتمنى أن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي bien sûr s'il y a des شروط bien sûr s'il y a des شروط s'il nous emmène une bête morte il nous emmène du خنزير il nous emmène à chaque on n'a pas le droit قال شيخ الإسلام قال ولأن غاية الكتاب أن تكون ذكاته كالمسلم Et هذا الدليل للقول لأن on sait نحن أن المسلم un مسلم si il nous emmène une bête morte maintenant un مسلم il assomme une bête et il nous dit mangez là il l'a pas égorgé c'est haram بالإجماع ça c'est le مسلم فما بالك الكتاب أما si on dit le كتاب là on fait passer le كتاب au-dessus du مسلم فهذا لا يجوز قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله وذبح باسم غير الله لم تبح أي ذبيحته un مسلم il va il égorge pour Sidi Boulan والعياذ بالله il va il égorge pour Sidi Boulan c'est un مشرك il se prétend مسلم فلا شك أنه on mange pas sa ذبيحة on mange pas sa ذبيحة ما بالك un كتاب s'il égorge باسم عيسى عليه السلام أو باسم مريم النصراني مثلا il adore عيسى ou il adore مريم فلا يجوز qu'on mange لأنه il manque un شرط il manque une condition هذا c'est ça le قول الصحيح قال والمسلم لو ذبح لغير الله وذبح باسم غير الله لم تبح أي ذبيحته قال الشيخ البوزان حفظه الله يعلق على هذا قال والمسلم لو ذكى على غير الصفة على غير الصفة المشروعة لم تبح ذبيحته فالكتاب من باب أولى شغل فوزان الذي يتوكسبلك أن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم c'est un verset il est global لكن il est précisé par d'autres comme le مسلم الآن نحن si on se pose la question est-ce qu'on a le droit de manger ذبيحة المسلم نعم لكن si on a une preuve il a fait exprès de ne pas dire bismillah أو il a oublié il y a un خلاف بين أهل العلم ça va le حكم va changer et c'est un مسلم ما بالك الكتاب كتاب يا مشرك نجس ما بالك الله سبحانه وتعالى إنه حلل la viande derrière le kitab لماذا لأنهم يزيكوش comme le مسلم et ils disent bismillah comme le مسلم c'est ça علة الحل si tu réfléchis un tas si on se pose la question ça y est si on réfléchit on se dit pourquoi Allah il nous a autorisé la viande des gens du livre et il nous a interdit maintenant la viande des bouddhistes. C'est les mal. Ou d'un communiste, d'un mouchrik, d'un athée. Les anna al-kitabi, il est ma'rouf. Khassatan à l'époque, amal an, on verra. Ils ont délaissé ça. Lakin à l'époque, maintenant, fizam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-kitabi, il était connu. Il l'égorgeait comme un musulman et il disait bismillah. Enfin, Allah, il nous a halal sa viande, il y en a, c'est la même que le musulman. Il dit bismillah et il égorge comme toi. Hada, al-an, si on prend qawl, ceux qui disent anna. Ça veut dire que même si des restes de choses, elles restent halal. C'est un qawli gharib. Ils ont choisi la vie de Cheikh l'Islam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la boud min shurut. On rappelle, on est dans le mas'ala, on sait qu'elle a été égorgée. Ah oui, il n'a pas dit bismillah, ou il a dit ghayrillah. On n'est pas dans les doutes ça va arriver, il y aura un ishkal plus bas. Amahuna, le mas'ala, les wadiha, lakin, on précise, hatta le sujet, mais idnillah, il est complet. Qala Cheikh al-Fawzan, wa kayfa natashaddad fi dhabihat al-muslim, wa natasahal fi dhabihat al-kafir al-kitabi, wa al-muslim, a'la min al-kafir. Naam, lian un muslim, s'il n'a pas égorgé une bête, maintenant il a électrocuté, la chèque, on va dire là, il faut dbah la bête. Al-an, c'est une maïta, c'est une bête morte. حرمت عليكم الميتة قال عز وجل فالمسلم on va lui dire on mange pas ta bête même c'est un muslim. Cheikh Fawzan il dit comment si c'est un kitabi on mange, on fait passer le kitabi avant le muslim. Ça vous montre que walaou un savant il a dit ce qawl, c'est un qawl daïf jiddan. Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullah min a'immat al-Malikiyya il a choisi ce qawl annahu c'est halal ala kulli hal, c'est un qawl daïf jiddan rahimahullah. Il a un autre qawl أنه يمنطق السحرام كما يمنطق الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب الأطعمة ثم قال شيخ الإسلام il va citer des autres points pourquoi c'est haram. Et si on sait que cette bête du kitabi elle n'a pas été égorgée على الطريقة الشرعية, شيخ الإسلام va citer un autre point, قال ولأنه تعارض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى أن يقدم. Ça c'est une règle في الشريعة. Si tu as deux nusus, deux preuves, maintenant deux versets. Un verset est autorisé, un verset est interdit. Notre exemple, on a un verset qui n'autorise, wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. C'est halal, il nous autorise de manger les viandes des gens du livre. On a un autre qui nous interdit. Hurrimat alaykum al-mayta. La bête morte est interdite, que ce soit un kitabi ou autre. Il y a une règle dans le fiqh. Cheikh Al-Uthaymeen il a cité Cheikh Al-Islam Al-Taymiyyah l'imam Nourajab كثير من اهل العلم انه tu fais passer le hadir avant et l'interdiction. Limada لان tu préserves ton din. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umur mujtabiha. Faman ittaqa shubuha istabra li dinihi wa 'irdihi. Hadha an-nass an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna sita deux choses, fa une interdiction et une autorisation, tu prends l'interdiction hatta tu sors des doutes. Hadha, ça c'est une règle. Deuxième point qu'il a cité Cheikh Al-Islam. On va revenir cette règle, inshallah, on la recitera, on en aura besoin dans la troisième mas'ala. Qala thumma qala rahimahullah wa li anna adh-dhabh li ghayrillah aw bi ismi ghayrihi qad 'alimna yaqinan annahu laysa min din al-anbiya 'alayhim as-salam fa huwa min ash-shirk alladhi qad ahdathuh. Al-kitabi, on a dit il égorge, il sacrifie et il dit bismi al-masih, au nom du masih. La shak que c'est du shirk, li anna at-tasmiya. Quand on égorge, c'est une ibada, on dit bismillah, c'est pour Allah Azza wa Jal. Seul. Si il dit bismillah al-Masih, c'est du shirk. Et là, chaque que le shirk, c'est pas min din al-Anbiya. Amma nahnu, Allah nous a autorisé dhaba'iha ahl al-kitab qui suivent l'Anbiya. C'est pour ça que si il dit bismillah, et il égorge, il sacrifie dans l'endroit légiféré, la chaque que c'est halal, bil-ijma'. Amma l'an, il n'a pas ses jurots. On ne peut plus dire que c'est halal. L'anna, ce n'est pas tariqat l'anbiya, c'est tariqat al-mushrikin. Et on n'a pas le droit, nous, de suivre al-mushrikin. Abadan. Et de manger leur viande. Hal. Al-khulasa. De ce Thomas Allah, avant qu'on passe au troisième point. Al-khulasa. Al-nadaba'ih. Ahl al-kitab. Aïe. Si on sait qu'ils n'ont pas égorgé, ils n'ont pas sacrifié, selon les rites islamiques, elle est haram. Elle est haram. Ça c'est qu'on l'a amma ta'l al-ilm. La yultafat ila al-aqwal al-ukhra. L'anna, hadha al-qawl, il est appuyé par des délits. Et at-tariqa al-islamia, on a dit ces deux choses, at-tasmiya ou at-dhabh fi al-mahal al-mashru'. S'il a ces deux choses de kitabi, sa dhabiha est halal comme le musulman. S'il manque une des deux choses, la dhabiha est haram comme le musulman. C'est ça le qawlu sahih. Mas'ala si le musulman il oublie la tasmiya, il va avoir une mas'ala si un musulman il oublie at-tasmiya, il veut la dire, laquelle il oublie. Il y a un khilaf avec l'ahl al-ilm. Le sahih, c'est que la yajouz de la manger, même s'il oublie. Comme il a montré Cheikh l'Islam de Taymiyyah. L'an Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré, qala azza wa jal, innama harrama alaykum al-mayta wa al-dam wa lahm al-khanzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Wa qala azza wa jal, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayh. T'as pas le droit de manger si le nom d'Allah n'a pas été cité. Enfin, si ce musulman l'oublie, t'as pas le droit de manger. Si c'est un musulman, et il oublie, il n'a pas fait exprès. Enfin, ma balouk, un kitabi, il fait exprès, il ta'ammad, et on dit c'est halal. Lakin, ce musulman, s'il oublie, on ne mange pas sa bête. Lakin, la chèque, il n'a pas d'ith. Rabbana, la tuakhidna, inna sina wa akhtana. Lakin, illat al-halal, et la chose qui te permet de manger cette bête, c'est de dire bismillah. Il ne l'a pas dit, on ne mange pas. Est-ce qu'il est athim? Ça dépend s'il a fait exprès ou pas. S'il a fait exprès, la chèque, c'est grave. S'il n'a pas fait exprès, il est pardonné, lakin, on ne mange pas sa bête. Sa bête, c'est une meïta. Ahad. Qal ibn Kathir, rahimahullah. فإنه لا ينزل من إباحته طعام أهل الكتاب إباحته أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. هذا كلام طيب. Ibn Kathir dit, le fait que Allah nous a autorisé de manger la viande des gens du livre, ça implique pas qu'on a le droit de manger la viande qui a été égorgée et le nom d'Allah il a pas été cité. Là, Ibn Kathir uniquement, tu manges la viande du livre des gens du livre, la viande des gens du livre, si ils l'ont égorgé comme un musulman. هذا قال لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل يأكلون الميت بخلاف أهل الكتاب. ابن كثير أن يتمدخ للسجس بوركوا on a le droit de manger la viande des gens du livre. Les malades, les anas, on a dit, ils ont un kitab. Ils ont des restes minaddi, khasatan à l'époque. Enfin, parmi ces restes, quand ils égorgeaient, ils disaient bismillah. Comme un musulman. Et ils sacrifiaient, ils égorgeaient la bête. Hada wada. Ibn Kathir, l'an, il te montre que c'est ça, illat al-hil. C'est pour ça que ça a été autorisé. L'an, si un kitab, il ne veut plus ça, elle est où la différence entre lui et les autres mouchriks? Il n'y a plus aucune différence. Et al-hukm, yadour ma'al illa. S'il n'y a plus aucune différence, il a le même hukm que les autres mouchriks. Hada, c'est ça le qawlu sahih. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذه الآية حرمت عليكم الميتة يخص بها عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا on a conclu ce bat avec la parole du Cheikh Ibn Baz, لأنها elle est claire. Il dit قول الله حرمت عليكم الميتة, elle passe avant قول الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Ou on dit elle spécifie قول الله عز وجل, لأن les deux c'est من باب العموم, لكن حرمت عليكم الميتة elle spécifie قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب. قال كما يخص بها الأدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة. شوف ابن باز يقول كم المسلم سي مثلا il égorge pas la bête, il l'électrocute, enfin ça devient une maïta, c'est haram pour le musulman. Ma balouk le kitabi, c'est la même chose. Amma on fait pas ce kitabi, on dit là le kitabi à la kulli hal c'est halal, c'est un qawl ba'id jiddan. قالت اللجنة الدائمة يشترط لحل لحوم أهل الكتاب أن تذبح حسب الشريعة الإسلامية, فإن كانت لا تذبح كما هو وارد في السؤال فإنها لا تحل. هذا الآن on a les deux premiers qismes qu'on a cités. Si les viandes des gens du livre elles sont sacrifiées selon le rite islamique, c'est halal les humains. Si elles ne sont pas sacrifiées selon les rites islamiques, c'est haram. قال ولا عبرة بشدود من قال إنها توكل. نعم. لجنة دائمة ils ont dit لا عبرة. Fais pas attention à certaines paroles qui disent que c'est halal. لا لا لا لأن ça contredit les أدلة claires. قال ولو كانت لا تذبح ما داموا يستحلون أكل على هذا النحو وهي من طعامهم, لأنهم يستحلون أكل أشياء كثيرة وهي من طعامهم. هذا الآن si on prend l'aya بالعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Demain, il va égorger une bête interdite. Il va égorger un porc. Enfin, sur le monde, tu as le droit de manger. Là, ma ahad yaqul bihada. C'est un qawl da'if. C'est un qawl da'if. قال إنهم يستحلون لحم الخنزير وهو من طعامهم. الآن, est-ce que la viande de porc, ça fait partie de ta'am des gens du livre? Là, chaque, ils mangent ça. Est-ce que toi, yo, le musulman, tu vas prendre le verset wa ta'amul ladina utul kitab hilun lakum et tu vas faire une fatwa, c'est halal? Abadan. Abadan, il y en a un autre dalil qui te montre que le porc, c'est interdit. La chaque qui passe avant, c'est umum. Qala wa yastahillun sharab al-khamr wa huwa min sharabihim. Al-sharab, ça fait partie de ta'am. Est-ce qu'on va dire l'alcool, c'est l'alcool des chrétiens, des juifs, elle est autorisée? Abadan. On a des autres adil qui montrent que c'est haram. Hada. هذا خلاصة ce قسم. On résume un قسم الثاني أنه si on sait, on n'a aucun doute, on sait que ce kitabi, cette bête, il l'a pas égorgé selon le rite islamique. Imma il a pas dit bismillah, imma il a dit bismil masih, imma matalan il l'a étouffé, il l'a électrocuté. C'est haram comme on a détaillé la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Kathir, Al-Lajna Da'ima et Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, et Ammat al-Ulama, c'est à la hadha al-Qawl. Fala yultafat ila qawl ghayr ha'ula. Léanahu, il n'est pas fondé sur les adhérents. Troisième qism. On revient, troisième catégorie, la première catégorie, on sait que cette viande des gens du livre, elle a été sacrifiée selon les rites islamiques. C'est halal bil-ijma. L'unanimité des savants a le droit de la manger. Il y en a, il a dit bismillah et il l'a égorgé comme un musulman. Et c'est un kitab. Enfin, yajouz. C'est halal bil-ijma. Deuxième qism, on a dit, on sait qu'il ne l'a pas sacrifié selon le rite islamique. C'est haram. Qawl ammat ahli al-ilm. On a dit, la yultafat ila man qal, يعني بغير ذلك. سأقول شاذ. سأقول شاذ. يخالف الأدلة وعامة أهل العلم. Troisième قسم, on a dit ما جهل حاله. أي on sait pas. On sait pas. مثلا, tu vis dans un pays أهل الكتاب. Au monde d'un pays musulman, t'as une bête. Elle a été tuée, je ne sais pas comment. Est-ce qu'elle a été égorgée? Est-ce qu'elle a été assommée? Matadri. Est-ce qu'il a dit bismillah? Est-ce qu'il n'a pas dit bismillah? Tout ça, tu ne sais pas. Et c'est ça le cas où il y a un ishkal. Et c'est celui-là qu'on va détailler, bi'idnillah, akthar. Et c'est celui-là que Bardenas, ils n'ont pas compris. فهذا القسم حصل فيه نزاع. أولاً, on doit être sûr que c'est un kitab. Voilà, on doit être sûr que c'est un kitab. Amma mathalan, on a un poulet, comme ils les font l'âne, ils les mettent sous vide, surgelé. Il vient d'un pays d'Ahl al-Kitab. Mathalan, on dit il vient du Brésil. T'as un autre poulet, dans le même magasin, il vient de Chine. La chakana, le poulet de Chine, il est haram. Léana, la Chine, c'est un pays communiste. Ils ne font pas partie d'Ahl al-Kitab. هذا اولا on doit comprendre هذا ان le hukm qu'on va dire نحن c'est bien le kitab. Alors ce poulet qui vient du Brésil, on sait pas est-ce qu'il a été gorgé, est-ce qu'il a dit bismillah, ما ندري. فاولا on regarde الذابح si c'est un kitab ام لا. ثانيا on doit essayer de savoir la tariqa. Est-ce que il a été, matalan, au Brésil, est-ce qu'ils égorgent? Est-ce qu'ils étouffent? Est-ce qu'ils électrocutent? Alors, on a deux choses. Al-Zabih lui-même, il faut qu'il soit kitabi. Et la deuxième, on doit voir Al-Tariqa. Al-Tariqa. Al-Tariqa, on ne sait pas. Dans ce cas-là, on ne sait pas. Maladri. Lakin, Al-An, il y a des recherches qui ont été faites. خاصةً شيخ الفوزان حفظه الله إلى كتاب نافع جداً هذا الكتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح. C'est ce livre qu'il a eu son doctorat, حفظه الله. Ça c'est son doctorat. Il a écrit ce livre et il a eu le diplôme de doctorat avec cette risala, حفظه الله. C'est une risala نافع. Et هو il a fait des recherches, رحمه حفظه الله. Ou il a profité de certaines personnes qui ont fait des recherches. Et vous allez voir la conclusion, elle va être claire. À cette époque, il n'y a aucun doute anna ha'oula qui prétendent être min ahl al-kitab annahum ils ne sacrifient pas à la tariqa al-islamia. Abadan. Hada, avant, personne ne peut le renier. Même si dans certains cas, Et Matalan, s'ils ont un marché avec Matalan, un pays musulman, et ils font une entreprise et ils essayent d'égorger à la tariqa islamia, fahada, qadiahzul. Lakin, nous, on parle en général. Abadan Wahed, il peut dire que la France, les États-Unis, le Brésil, le Portugal, l'Espagne, tout cela, ils égorgent et ils disent Bismillah. Ma adhan, Wahed, yakul hada. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a des années, قال ومن المعلوم اليوم هذا الكلام les années 80-90 قال ومن المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة الإسلامية هذا معروف la preuve de هذا comme on va voir مرة ils ont envoyé une question à Cheikh Al-Uthaymeen ils lui ont dit يا شيخ Cheikh Al-Uthaymeen a des fatwas في لحوم أهل الكتاب معروف on va voir on répondra à ils lui ont posé la question si un poulet vient de France ou du Brésil ou Madrid ça fait la tête elle est là on va pas couper la tête il a été tué comment il a la tête il te regarde il vient d'appeler le kitab on a une preuve l'âne sous les yeux il n'a pas été gorgé il a la tête le cou il est mort ils l'ont électrocuté. Ah là, les choses, il faut que ça soit clair. Ah là, si ça arrivait une fois, ça arrivait combien de fois? Qu'est-ce qu'on va voir qu'ils ont une autre tariqa, il n'y a plus la tête. Ah oui, il est égorgé. Lakin, l'entreprise, ils admettent, avant de l'égorger, on l'a tué, on l'a électrocuté. Il y en a, ils se débattront. Donc, ils les étouffent, ah oui, ils les noient, ah oui, ils les électrocutent. Thomas, pour faire croire aux musulmans que c'est halal, il lui coupe la tête. Il te montre, c'est bon, il a été égorgé. Non, mais il a été tué avant, c'était une bête morte. T'as pas égorgé le poulet vivant, t'as égorgé une meïta. Et le meïta, elle est haram, bil ijma. Hurrimat alaykum ul meïta. Hada, il faut bien comprendre, hadi le masa'il. Qala Cheikh Al-Albani. Wa innama yaqtuluna qatlan. Imma l'électricité, imma la noyade, imma. Ils assomment les grosses bêtes. Qala. لأن الذبح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتا طويلا. Ça c'est la première cause. أن égorger selon le rite islamique, sacrifier selon le rite islamique, ça prend plus de temps. كما قال شيخ الألباني. ورحمه الله c'est un savant. Il sait de quoi il parle. Il sait que c'est un حكم شرعي. Et nous on le sait هذا. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Et ça prend plus de moyens. Et eux ils le savent هذا. قال وهذه الحيوان حينما لا تذبح يبقى دمه في داخله وما يذهب هكذا الى الارض c'est ça la chose qui prend du temps لان قد يقول قائل الان ils ont des systèmes pour égorger نعم لكن la bête dès que tu l'égorges il faut la laisser que le sang il se vide ça la chèque ça prend du temps la chèque ça prend du temps et ça prend des moyens ça prend des moyens لان ça va impliquer un nettoyage ça va impliquer plus d'hygiène il y en a le sang ça il peut être contaminé là je sais qu'il y a plus de moyens Cheikh Al-Albani il le sait Amma tu noies ou t'électrocutes tu n'as pas de sang et rien et ils emballent et ils vendent là je sais qu'il y aura beaucoup moins de moyens قال Cheikh Al-Albani فيكون له وزن أكثر deuxième point كثير من الناس ils oublient ce point Cheikh Al-Albani il dit أن ce poulet matalan ou cette vache ou ce veau si il n'est pas égorgé le sang il reste à l'intérieur le sang il va devenir diamide le sang il devient opaque il devient comme de la graisse la chèque que la bête elle aura plus de poids qu'une autre bête égorgée selon le rite islamique qui a plus de sang et ça il y a un enjeu économique énorme cette bête matalan cette vache qui a été égorgée selon le rite islamique à la fin découpée et la akhirat t'auras 80 kilos de viande matalan l'autre le sang il reste à l'intérieur il a coagulé il y a qu'on la chèque 80 peut-être elle fera 85 kilos ce 5 kilos sur des millions de bêtes c'est un enjeu économique énorme tu crois que le kuffar le kafir il va laisser passer ça pour te satisfaire toi ayyuha al muslim ayyuntaba li hada ayyuntaba li hada nahnu l'an si on réfléchit à ahl al kitab est-ce que on parle d'aujourd'hui est-ce que leur but c'est din ou c'est l'argent la chèque c'est l'argent ma yubali huwa halal ou pas halal ma yubali c'est point faut bien faire attention à Yohan Muslim. Tu vas voir que ça va peser. Ça va peser sur la conclusion du hukm qu'on va donner. Qala. فيكون له وزن اكثر مما لو ذبح على الطريقه الشرعيه فلذلك الذبائح التي تاتي من تلك البلاد او المعلبات. المعلبات c'est des boîtes. الان ils font des boîtes de bœuf معروف. des boîtes de viande, des steaks, des kada, enfin que ça soit la bête ou ses boîtes, c'est la même chose. لأن اللحم في اللحم. قال هذه لا يجوز أكلها ولا بيعها ولا شراؤها إطلاقا. Ça c'est كلام شغل الألباني. T'as pas le droit de la manger, t'as pas le droit de l'acheter, t'as pas le droit de la vendre, t'as pas le droit de la distribuer. إطلاقا. لماذا لأن الشغل الألباني الآن il s'est basé, on a un doute, on sait plus. Est-ce qu'ils égorgent selon les islamiques ou pas? Il dit bismillah ou pas? Lakin, ces points qu'il a cités, Cheikh Al-Albani l'a montré, écarte-toi des doutes. Fa itlaqan, mange-la pas. Hada, c'est kalam Cheikh Al-Albani. Wa qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Al-an, le kalam qu'on va lire de Cheikh Al-Fawzan, min hadhi risala, al-at'ima, il est muhim. Lemada, l'an Cheikh Al-Fawzan, dans son livre, Al-At'ima, il a cité un chapitre sur les viandes de Ahl al-Kitab. Et il a montré que c'était une fitna, là. Fitna, il y en a, ça cause la division. Il y a des gens, ils ne savent plus. Il y a des gens, ils disent c'est halal, d'autres c'est haram. Enfin, Cheikh Al-Fawzan, il a fait des recherches, et il a trouvé un bahth. Un égyptien. Rahimahullah, il est mort. Et lui, il a étudié ce sujet en détail. Et ce ustad, ce professeur, il a envoyé au consulat des pays des gens du livre, la France, le Brésil, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis, l'Argentine, la Belgique, la Hollande, tout ça, il leur a envoyé pour leur demander leur tariqa. Il y en a un, on se retrouve dans une situation, on ne sait pas. Si je te demande comment ils égorgent en Argentine, mais t'as dit, comment ils tuent la bête, tu ne sais pas. Tu n'es jamais parti voir. C'est des gens du livre. Il y a des choses, on a des doutes. Comme Cheikh Al-Albani, le kalam, il a cité. Al-An, ce professeur, il a envoyé à chaque consulat. Ah voilà, ils lui ont pas tous répondu. Ça montre qu'il y a quelque chose. Pourquoi tu réponds pas? Lui, il sait que c'est un musulman qui a envoyé. Et il sait que le musulman, il veut la réponse. Est-ce que vous sacrifiez la bête selon le rite islamique, Amla? Vous dites bismillah et vous tranchez la gorge, matalène du poulet. Hatta le sang, il se vit. Actuellement, ils n'ont pas répondu. Aslan, ça doit te mettre des doutes. Pourquoi tu réponds pas? Il y a des pays, ils ont répondu. Ils ont répondu et ils ont été clairs. Enfin, on va citer nous. Le premier pays qui a répondu, c'est la Hollande, les Pays-Bas. Tariqat Hollanda, qu'a dit Cheikh Al-Fawzan. Ils ont expliqué, ils ont répondu à ce professeur. Tu nous demandes comment on tue nos bêtes dans nos pays. Ils nous ont répondu. Alors que là, les Pays-Bas, c'est compté, mais il y a l'Al-Kitab là. C'est comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Ça, c'est des pays, ils sont comptés à l'Al-Kitab, des chrétiens en majorité. Ils ont répondu. Toktal al-Baha'im, ba'd tadwikhiha, bi asra ma yakoun. Leur but, c'est de tuer cette bête le plus vite possible. Il y a des enjeux économiques. Il n'a pas le temps, ouah. C'est une entreprise de l'Obama, c'est des tonnes par jour. Enfin, awalan asra wa le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'ils font kadalik? Ba'd tadwikhiha, ils l'assomment. Les anna ta'lamoun, anna la bête. On a déjà sacrifié des bêtes, on a vu comment c'est khasatan, des taureaux, des vaches, des chameaux, des chevaux. Hada lâche qui va se débattre. Fahum awalan ils l'assomment. Yadour. Tumma, qu'est-ce qu'ils font? Qala bi asra ma yakoun bi isalat damiha wa tahsul amaliyat at-tadwikh bi wasitat al-alat. تغيب المخ فتفقد البهيمة وعيها في الحال. Ils ont un système en Hollande, aux Pays-Bas, à Naho, le plus rapidement possible, ils ont comme un piston, ça a une force énorme, et ils tapent la bête au cerveau. Voilà, ça les morte sur le coup. هذه الآن, tu vas la manger là, c'est une maïta. Elle est égorgée. Il a appuyé le bouton, il a dit bismillah, abadan. Et même s'il dit bismillah, le piston qui est rentré dans sa tête, la bête c'est devenu une bête morte. Et là, yajouz, hurrimat alaykoum ul maita. Donc les viandes de l'onde, on a fini, c'est haram. Ah là, ça te montre. Akhil muslim, dès que tu parles via dit le mas'ala, il faut que tu sois précis. Wardanas, il dit les viandes des gens du livre sont halal. On a un dalil que la Hollande, ils égorgent pas à la tariqat islamie. Donc tu dois dire, les viandes des gens du livre, elles sont halal, sauf la Hollande. On continue. Tariqat al-Danemark. Ou qabla hada, il a cité une précision, ce professeur, قال وقطع الرأس أو الرقبة ممنوع وكذلك الذبح بالسكين بموجب مرسوم ملكي. C'est un royaume là, les Pays-Bas. C'est un royaume. Ça a changé. Amma qabl, c'est un royaume. Enfin, ils ont sorti une loi, ils n'ont pas le droit de couper la tête ou trancher la gorge. Abedan. Ça montre que ça sera imma électrocuté, imma avec le piston qu'on a dit, imma. Ala kulli hal, c'est une meïta. Ah, la personne ne peut le nier. On a la réponse de Haoula, eux-mêmes. Deuxième tariqa, le Danemark. Ils ont répondu. La Hollande et le Danemark, ils ont répondu. Le Danemark, qalou, ils ont répondu al-khuyul, avec les chevaux. Wa thiran, al-thawr ma'rouf, taureau. Wa al-ujul, les veaux. Al-kabira, tutbah, bi tariqa, sa'qiha, bi itlaq al-rasas ala ra'siha. Ah, voilà, ils ont été clairs, c'est des barbares. Ça te montre, kadhalik, akhi, différencie dans ce mas'ala les grosses bêtes et les petites bêtes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pour ça que tu verras, ils différencient beaucoup. Mais là, c'est pas la même méthode. Tu veux tuer une vache, un taureau, un cheval, c'est pas comme tu vas tuer un lapin, un poulet. C'est pas la même tariqa. C'est pas la même tariqa, vous allez voir. Les grosses bêtes, aïe, tout ce qui est veau, taureaux, chevaux, au Danemark, la loi elle est claire. Des balles dans la tête. Ah, c'est clair, c'est une meïta. C'est une meïta. Qala fi mawdi' al-mukh bil musaddas bi rasas khaf. Ils ont un musaddas. Musaddas c'est معروف, un musaddas. Lakin c'est une chose khas, ça doit être industriel. Industriel avec des balles khas. Al-muhim, ils ont un système, la bête elle arrive en face, une balle, il l'a tué. Wa hakada. هذا الان الدنمارك سان بي من اهل الكتاب il est compté من اهل الكتاب ils ont admis انهم ils tuent la bête avec un rasas, c'est une bête morte là, t'as pas le droit de la manger. Si un musulman maintenant en Algérie, Maroc, en Indonésie, en Arabie Saoudite, au Yémen, ils nous disent un homme ou une entreprise ils tuent les bêtes avec un rasas, on la mange pas, c'est une meïta. Ma baluk al kafara, ma baluk قال قال و او بمسدس يقذف أو يقذف مسمارا نافذا. كذلك ils ont un مسدس comme un pistolet, le premier pistolet avec des balles khas. كذلك le Danemark, le consulat ils ont dit ils ont un pistolet كذلك avec un mismar. Ça c'est معروف, c'est pas des balles, c'est comme un clou, comme un pic, et directement il va dans la tête de la bête. Comment il le retire? وهكذا. Comme un piston, comme une forme de piston, et il troue les têtes de ces bêtes. لا شك سمين الميت. قال الآن on a fini les grosses bêtes. قال والعجول الصغيرة والأغنام. العجول les petits veaux, الأغنام les moutons, les chèvres. Ça c'est une catégorie en bas. Ils ont une autre tariqa. قال تذبح بطريقة السعق إما بالرصاص أو بالضرب الشديد على جبهتها. كذلك ils ont un système, إما une balle dans le cerveau elle meurt, ou ils ont un système, c'est comme une, ils l'assomment comme un piston كذلك et ils lui tapent fort dans la tête et elle meurt. هذه c'est tariqa هؤلاء. الدواجن. الدواجن c'est ce qu'on appelle الدجاج, les poulets. Troisième chose, encore les bêtes plus petites, le poulet. قال فإنه يشترط لذبحها أن يكون بطريقة السعق السريع بالضرب الشديد بالمطرقة على رأسها أو بقتلها قتلا سريعا بفصل رأسها. Ils ont deux choses. إما même chose, il l'assomme, un coup très fort dans la tête, elle meurt. Ou il lui arrache la tête le plus vite possible. Ils arrachent tout. Hein. الله العافية. أين الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Et tu dois dire bismillah, et tu dois égorger un endroit précis. Ama tu lui coupes la patte et le sang il se vide et elle meurt, c'est une meïta. T'as un endroit précis. Quand on peut le faire, ils sont précis. Les artères, les yads, un khilaf, est-ce que tu dois toucher ça ou pas toucher ça, nous on ne va pas détailler. Mais nous, l'an, ça nous montre clairement que cette tariqa elle est va'ida. Elle est va'ida. L'an, on a deux pays, la Hollande et le Danemark. Qal, troisième pays, al-Wilayat al-Muttahida, les États-Unis. دمرها الله. الطريقة أن يضرب الحيوان بمطرقة مدببة في مخه فيموت وبعد ذلك يقطعون رقبته. شوف les États-Unis ils ont un système. أولا une matraque, un piston, il lui tape très fort dans la tête, خلاص il est mort. ثم il lui tranche la tête. Arrive الآن s'il voit مثلا il dit il l'a égorgé. Ah, ou si tu le vois un tas dans l'emballage, il a été égorgé. Tu peux voir les traces. Lakin, là, il a égorgé une meïta, une bête morte. C'est haram. Il y en a l'égorgement, tu dois égorger une bête vivante. bête vivante. C'est pour ça que vous trouvez Masail Fiqh, Matalan, Ahyanan, il pose à Ahl al-Ilm. Matalan, un mouton sur la route, il se fait percuter par une voiture. C'est exactement ce que c'est. Il meurt. Il meurt. Est-ce que j'ai le droit? Il te dit là. T'as un autre cas, il est blessé. Enfin, dans ce cas-là, tu te précipites, tu l'égorges, t'as le droit de manger. L'imad Ali Anna, tu l'as égorgé, il était vivant. Il était vivant. Là, chaque qu'il est mort. Même si on dit, il l'a égorgé, il n'y a pas eu le coup de matraque. Est-ce qu'il a dit Bismillah? Est-ce qu'il a dit Bismillah? Ah, c'est ba'id. Ça, c'est Al-Wilayat al-Muttahida. On finit هذا قال ولكنهم لا يذبحون كما يفعل المسلمون او اليهود وهذا الاجر يشمل جميع الحيوانات نعم le témoignage هنا انهم ils égorgent pas comme les musulmans ou les يهود ça vous montre كذلك qu'il y a une différence entre les يهود والنصارى et صحيح il y a une différence tu verras que les يهود ils essayent plus d'égorger, ils se rapprochent plus de tariqa islamia que les nasara فهذا كذلك انت tu dois faire attention. ثم قال الشيخ الفوزان قال فإن قيل إن هذا الكتاب قد مضى عليه 30 عاما فلعل الحال قد تغير عما وصف الشيخ الفوزان يقول ربما يقول قائل ساسيا une trentaine d'années 40 ans même الآن peut-être 50 ans قد يقول قائل ça c'était avant أما الآن il y a 50 années qui sont passées نحن lui répond الآن الأصل c'est ça. On a des arguments. Le consul lui-même il a répondu. Si tu nous montres que ça a changé, hâte d'ali. Qul hâtu burhanakum in kuntum sadiqin. Amma délaisser ça et prendre autre chose, là il faut que tu nous prouves. Matalan, ils nous prouvent au Danemark qu'ils ont changé de loi. Ils ont dit il faut que tu dis bismillah, il faut que tu égorges. Ah, prouve-nous hâda. Ils peuvent pas, abadan. Qala Cheikh al-Fawzan, al-jawab anna alladhi balaghana al-an anhum aswa mimma dhukir. Cheikh Fawzan, il dit on a des autres informations, l'an c'est pire. C'est pire qu'avant. L'an, sahih, l'an, nous, à notre époque, c'est encore pire. À la fin de la kalima, on citera, il y a eu un scandale, l'an, en Europe, ceux qui ont suivi l'actualité. Annahum, chauf ala khida, ou talbis, qu'ils ont, al-kuffa. Annahum, pendant des années, ils ont fait croire aux gens, grâce à certains des produits surgelés, que c'était de la viande de bœuf. Nous on ne parle pas est-ce qu'elle a été gorgée à la tariqa islamia, on ne parle pas de ça, hein? Lakin, il y a eu un scandale, hein? Ils ont remarqué, ils ont vu, elle n'était pas de la viande de bœuf, c'était de la viande de cheval. Comment je vais faire confiance à Haoula? Ils ont réussi à mentir, ils ont changé, pas la façon d'égorger et de sacrifier, là, la bête elle-même ils ont menti. Ils ont dit à plusieurs personnes, c'est du bœuf, alors que c'est du cheval. Mabaloukada, il ne va pas te mentir sur la tariqa. Il va t'écrire halal, la yubali, il pense aux euros. Allah, abou t'entabé, ayyuhal muslim. Abou t'entabé, tu préserves ton din. Ça ne te suffit pas le halal. Égorge tout seul. Achète chez un musulman de confiance. Mabaloukada, ils ont ouvert les portes. Ils vont chez les restaurants des kuffar. Ils te disent c'est halal. Miski. C'est halal. Atlub l'ilm et étudie la mas'ala avec aqwal al-a'imma, avec le qawaid shar'iyya. Et tu verras que c'est un qawl ba'id. Kiddan. Et on finira. Ana ta'ibt. Baqi qali. Amal an dhahab al-waqt. Subhanak la muhamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.